À propos de l'ouverture de la conférence pan-nationale pour la réunification consacrée au 71e anniversaire de la libération de la patrie, le comité préparatoire du Nord de la conférence conjointe des partis politiques, formations et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la paix et la réunification indépendante dans la péninsule coréenne a envoyé de nouveau une lettre ouverte à 5 organisations, y compris le comité d'Outre-mer pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin et la direction d'Outre-mer de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, ainsi que les formations et personnalités coréennes dans diverses régions du monde comme Japon, Chine, Amérique, Europe, Océanie, Asie sud-est et régions de la communauté des États indépendants.